La ville. La ville se trouve à quelques kilomètres de chez moi. Il s'agit d'un ensemble de maisons, pour la plupart assez anciennes, parfois jolies, disposées selon un plan en cercle, dont le rôle du centre est tenu par un grand bâtiment, très haut, construit en pierre de taille il y a quelques centaines d'années, en l'honneur de celui qui aurait créé le monde, la nature, les animaux et les hommes. Nous appellerons ce lieu la bâtisse, avec une majuscule d'importance, car il faut bien nommer les choses pour clarifier, dès le début, le récit. On dit que l'intérieur est très beau, mais je n'y suis jamais rentré puisque je ne parcours la ville qu'à la nuit tombée, à l'heure où le bâtiment est fermé. Un soir tard, cependant, j'ai assisté à un spectacle sensationnel. Pour une sombre raison, la bâtisse était habitée. La lumière brûlant à l'intérieur projetait une lueur merveilleuse sur les vitraux. Je suis resté de longues minutes en pâmoison devant ce sublime tableau, au son de l'orgue et des chants qui résonnaient entre les murs épais. Je me suis approché si près que je pouvais sentir l'odeur de l'encens que l'on brûlait pour quelque célébration mystérieuse. J'ai failli envisager d'entrer. Autour de la bâtisse se trouvent des arbres, des maisons anciennes entassées les unes sur les autres, un boulodrome tout en long, quelques magasins dont des boulangeries, une boucherie, une dizaine de bars, autant de restaurants, une librairie, une supérette, quelques salons de coiffure et d'autres boutiques dont les gens ne peuvent se passer. Plus on s'éloigne du centre, plus on trouve des maisons neuves avec des habitants neufs. Puis un peu de campagne, puis quelques propriétés, puis encore de la campagne, puis ma maison. Située à côté d'habitations récentes dans ce qu'on appelle un hameau ou quelque chose du genre, elle a été construite il y a plus de 100 ans. Elle devait alors se trouver toute seule, perdue en pleine campagne. Mais ça, c'est du passé. À l'intérieur de la ville, non loin de la bâtisse, se trouve le magasin de cycles La Roue qui file, tenu par Aimé. Aimé a passé l'âge de la retraite, sa boutique aussi, ça ne le dérange pas. Passionné de vélo comme il est, il continue à ouvrir son commerce pour son plaisir. Les vélocipédistes du coin lui confient quelques réparations dont il s'occupe quand ça lui chante. C'est un de mes rares copains, à moins que ce ne soit un ami. Je dois avouer que je n'ai jamais saisi la différence entre les deux termes, vu que je n'entretiens pas de rapport avec une foule considérable de gens. Je sais par les romans que certaines personnes ne peuvent pas supporter les bienfaits de la vie comme le silence, la solitude ou le vide, et qu'elles s'entourent en permanence de connaissances, hommes et femmes, avec qui elles discutent, mangent, partent en vacances, font du sport, vont au cinéma, chantent, jouent au théâtre, voguent en mer, travaillent, se disputent, se baladent à moto ou à pied ou à vélo, jouent de la musique, prient, construisent des maisons, font la guerre ou l'amour, dirigent un pays, enfin, tout ce genre de choses que l'on peut faire à plusieurs. Je n'ai jamais ressenti ce besoin-là. J'ai même, à dire vrai, du mal à en saisir l'utilité. Je suis plutôt porté vers l'isolement et le calme. Puisqu'il faut, encore une fois, nommer les choses pour éclaircir les descriptions, nous dirons que j'ai quelques amis et qu'Aimé en est un. Il aime répéter que je suis spécial, ce qu'il fait ressembler à un hôpital se foutant de la charité. Chez Aimé. Aimé ouvre son magasin spécialement pour moi, toutes les troisièmes nuits de la semaine. Je peux alors venir chercher les pièces dont j'ai besoin, comme des câbles de frein, des gaines, des rustines, des chambres à air, des pneus, des chaînes, des dérailleurs, des pédales, des poignées de guidon ou autres. Je lui échange les pièces qui manquent à mes vélos contre des légumes, des œufs ou des fruits quand j'en ai. Ainsi, un câble de frein peut coûter 3 courgettes ou un sourire. En hiver, quand il en a assez que je lui amène des pommes de terre, je lui donne un coup de main à l'atelier pour réparer les vélos qu'il n'a pas le temps de finir. Il m'apprend de petites choses. On discute un peu aussi, ou beaucoup. Dans un coin de son atelier, Aimé fait épicerie. Elle n'est là que pour moi, parce qu'il aime me rendre service. Derrière un rideau, il a entreposé sur des étagères en bois des boîtes de conserve, de la farine, et tout ce que je ne peux pas faire pousser dans mon jardin, ou que mes poules ne peuvent pas pondre. Au-dessous de chaque article, il a noté sur un écriteau, pour la forme, le prix des aliments dans les devises suivantes. Fruits, légumes ou heures d'atelier. Le cours est extrêmement variable. Aimé règne en maître sur sa city. Gare à celui qui oserait lui disputer sa place. Tout en haut de l'étagère, il s'est amusé à dessiner sur un panneau de bois de jolies lettres qui forment l'enseigne suivante. « L'épicerie à Miloche ». Je lui ai fait gentiment remarquer qu'on disait l'épicerie de Miloche. « Quoi ? » m'a-t-il répondu. « Tu insinues que je cause pas bien français ? Le « A », c'est par respect pour mes racines populaires. De toute façon, je suis chez moi et je fais comme je veux. » Aimé fait parfois trembler les murs de sa grosse voix. Il adore jouer la comédie. Entre autres gentillesses, il ne me fait pas toujours payer. Pas parce que je ne peux pas. Si je suis dans l'impossibilité de lui donner assez de légumes ou s'il n'a pas assez de travail à me confier à l'atelier, je fais comme si aucun de mes vélos n'avait de problème et comme si je n'étais à court de rien. Mais parce que ça lui fait plaisir. Il me dit « Tournée du patron ». Puis il me donne mes courses du jour, bien que je refuse et qu'il insiste et que je refuse et que finalement je reparte avec tout, pour rien. Parfois, pour lui exprimer ma gratitude, pour lui signifier aussi que je l'aime bien, tout simplement, je lui offre une forme en marbre poli. Il me dit « Encore un nuage, hein ?» en le plaçant dans sa vitrine. Je n'ai jamais bien compris si ça lui plaisait. En tout cas, je sais qu'il apprécie mon geste. La preuve, il passe régulièrement le plumeau sur mes formes, ce qui, chez Aimé, est une chose remarquable. Ses vélos, en effet, couverts d'une épaisse poussière, arborent des roues aux rayons décorativement parcourus de toiles d'araignée. Mon ami ne dérange jamais ces bestioles. Elles présentent en effet l'avantage d'attraper mouches et moustiques dans leurs filets, précise-t-il à ceux qui lui en font la remarque. Mes marbres, exempts de toute impureté au milieu de cet amoncellement animal où les acariens, en liberté totale, jouent à saute-mouton, brillent en opposition d'un éclat incomparable.